Vos mensonges traînent dans la rue, mais vos échos ne tiennent plus. Right as skill marche, froid et vrai, un rock vivant que rien n'arrête jamais. Vos idoles brûlent, trônant de carton. Chaque mot creux, c'est un sans nom. Vous suivez l'ombre sans lumière, des faux prophètes, des couronnes à moi. Moi je bâtis sur la vérité, chaque ligne frappe, chaque mot est clé. Rider's Kill trace, lourd et précis, un bloc de pierre au cœur de la nuit. Concrete shadows fade away, through the steel I stand and stay. Rider's Kill, no lies survive. In the dark, my fire. Vos fautes répètent sans réfléchir, des chaînes forgées pour obéir. Vous vénérez des fantômes creux, vos cris se perdent, je reste feu. Moi je marche de droit, franc et brut, chaque cicatrice devient ma lutte. Rider's Kill règne froid et réel, un souffle lourd, un poids éternel. Concrete shadows fade. S'efface dans le silence. Chaque attaque nourrit ma puissance. Je suis le bloc, l'acier, la flamme. Rider's Kill vrai. Vos chaînes se brisent, chaque mensonge finit en cendre grise. Rider's Kill marche droit et sincère.